En Corée du Sud, selon le journal d'internet Tongilius, on construit partout la statue de fillette dénonçant le crime anti-humain et ultra-géant d'esclaves sexuels au service de l'ancienne armée japonaise. À la suite de la mise sur pied de la 30e statue de fillette le 9 août à la ville de Gunpo, de la province de Gyeonggi, la 31e est érigée le 14 à l'arrondissement de Muan, de la province de Jeolla du Sud, et les autres sont construites le 15 aux arrondissements de Guro et de Dongjak à Séoul, à Ansan de la province de Gyeonggi et à Leonsan de la province de Chungcheong du Sud, à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie.